vous avez un problème, nous avons un podcast. Bonjour et bienvenue à la balado-diffusion Pas de problème, numéro 113. Ici Frédéric Barbouchy en compagnie d'Antoine Vézina. Salut, frère! Jean-Philippe Durand. Salut, frère. Salut, Antoine. Et Mathieu Bouillon. Bonsoir! À tous! Je pense qu'on n'est pas obligé de faire ça, messieurs. Non, OK. Alors, tout le monde parlait dans ses mains, là. On est toujours chez Mathieu. Oui. Ah, la semaine passée, c'était super. Hey, Rimouski, hein? Toute une semaine. Oui, vraiment. Wow. Hey, le sous-marin, y est-tu quelque chose ou pas? Oui. Les Rimousquoises. C'est un peuple, là. Je pensais jamais que les traîneaux à chiens allaient te faire les 6 heures. Non, finalement. Pour nous ramener. Ma mère qui conduisait, fait que... Dire qu'ils ont été bloqués par les étudiants sur le pont. Ouais, malheureusement. On va dire bonjour aux gens de Price. Oui. Oui. De Lac des Aigles. Oui. Alors. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Hey, avant de commencer, là, nous, on n'est pas de problème, hein? Mm-hmm. Oui. À chaque semaine, on prend un problème que vous nous envoyez et on propose plusieurs solutions, mm-hmm. parfois loufoques, parfois très. Très à propos. Oui. Mm-hmm. Oui, absolument. Et parfois complètement dans le champ. Complètement. Oui, souvent. Souvent violent. On regarde dans ta direction, Jean-Philippe. Ouais, mais. Je vais dire quelque chose. Ah! Donc, le problème de cette semaine. Oui. Ben, c'est un problème qui nous vient d'Étienne Saint-Laurent. Qu'on a vu sur Facebook. Exactement, Facebook, sur Facebook. Qui est un réseau social. Réseau social. Qui commence à. Prendre l'expansion. Ouais. Hey, je sais pas de quoi vous parlez. Ah. On a fait un film là-dessus. Hein? L'âge Google Plus. Oui. J'ai assez de fun. Oui, on a fait un film là-dessus. Hein? C'était un Saint-Bernard qui dérangeait une famille. Oui, oui, oui, oui. Ouais. Voilà. Donc, Beethoven. Oui, c'est ça. Cher, pas de problème. Malgré des années de pratique, je suis toujours incapable de tailler mes favoris de façon identique. Mm. Comment faire pour y arriver? Mm. Messieurs, je vais y aller avec une déclaration choc. Je n'ai jamais eu de favoris. Ah! T'en as? Mais non, j'ai une barbe. Oui, j'ai une barbe. Moi, j'en ai jamais eu. Non, toi, Fred, c'est bon, là, t'es très Robert Lepage. Oui. Ah, oh, s'il te plaît, je suis plein de sourcils. J'ai plein de sourcils. Oui. Mais moi, jamais je me suis coupé le favori. J'ai toujours eu soit une petite barbe ou soit rien. Non. Mais les cheveux un petit peu plus longs là, tu sais, pas la coupe militaire. Mais favori, là, t'as quand même une petite taille quand même au niveau de l'oreille, là. Oui, non, mais vous comprenez, c'est la continuité de l'affaire. Ça, c'est vraiment juste coupe de cheveux. Non, mais attends, sauf que quand tu te fais couper les cheveux, quand tu te rases la barbe, t'arrêtes où? C'est ça? Je soulève mon cheveu comme une vieille perruque et je coupe le bois. Okay. C'est ça, moi quand je me rase, il faut que j'arrête à un moment donné. Là. C'est, moi, c'est ça. C'est un peu moi qui décide. Parce que tu pourrais aller jusqu'en haut de l'oreille, tu sais. Ouais, tu peux commencer à m'amener plus bas si je veux des favoris, ben ouais, c'est ça. Ouais, je commence plus bas. Mais vous comprenez le principe, jamais. Oui, je comprends. Bon, on va te demander de quitter. Oui, j'allais le faire. T'as aucune utilité. Moi, c'est extrêmement variable, en fait, parce que j'ai même des spots de calvitie dans le favori. Ah, fait faut que tu triches un peu. Fait que je triche, c'est bizarre. T'as-tu vu comment c'est bizarre? Mais Mathieu, arrête de faire des zigzags dans ta barbe aussi, là. Oui, faut que j'arrête ça. Tout c'est de me raser des mots cochons aussi dans les cheveux. Là. Faut que j'arrête ça. Oui, puis le numéro 69 dans ta barbe. Ouais. Mais non, c'est le symbole de son signe astrologique, poisson. Poisson, oui, Frédéric. Ah, ben c'est ça, ce cas-là. Des poissons. Oui, non, ça marche. Non. Bon. Oui. Mais c'est ça, c'est top des favoris. Tu sais, à la base, en fond, si ta coiffeuse, Étienne, tu lui demandes qu'elle te fasse les favoris, elle a les outils que ça prend, c'est-à-dire deux petits doigts qui se mettent le long de tes oreilles, tu sais. Puis un œil fermé. Et un œil fermé. Fait que la langue aussi. La langue. Fait que moi, je pense que tu devrais toujours demander à quelqu'un de te les faire. À ta copine ou tes collègues de travail. Mais qu'est-ce qu'on sait des favoris, messieurs? Ben oui, qu'est-ce qu'on sait des favoris? Qu'est-ce qu'on sait des favoris? Mais là, on n'est plus dans l'étape des favoris. Là. C'est un peu fini, cette affaire-là, non? Tu sais, le favori. Ouais. Je pense que ça s'applique aussi. Je ne veux pas me répéter. Moi, ouais, moi aussi. Mais moi, concrètement, j'ai des très, très courts favoris, disons. Mm. Alors moi, quand je me rends, maintenant, puis quand je vais voir mon coiffeur favori, ouais. Un bon vieux barbier d'homme, Monsieur Demers. Ménic. Il regarde mes favoris, puis il dit, est-ce qu'on remonte les favoris? Parce qu'il dit, naturellement, quand vous vous rasez, vous baissez toujours un peu. Ouais. Puis il me remonte ça. Donc, il parle quand même de favoris, même si je n'ai pas... j'arbore pas l'espèce d'affaire qu'il dépense. C'est les cheveux qui sont devant les oreilles. C'est les cheveux qui sont devant les oreilles. Ah, ça, c'est moi, là, j'en ai un petit peu, là. Moi, mon confrère, j'ai ça, là, il me parle de favoris. Là. Vos favoris, on est plus court, plus haut, plus bas. Mais pourquoi ça s'appelle favoris? J'ai aucune idée. Parce que c'est le bout qu'on peut faire. Non, je ne sais pas. Ah, je comptais sur toi. Non. C'est la seule bonne question de toute affaire. Ouais. Comment qu'on dit en anglais, c'est sideburns. Sideburns. Burns. Ouais. Burns. Ouais. Burns. Mais ouais, mettons, si on parle de... Simpsons, ouais. Si on parle de mode de favoris, là, tu sais, on a en tête les gros favoris des années 70. Ouais. On a même les favoris de la mode empire, là, tu sais, de l'époque Napoléon. Barry Lyndon, là. Ouais, là, des gros favoris, ça, je vois ça, là. Ouais, dans le Far West, des gros favoris. Il y a quand même une virilité, je pense. C'est lui qui va très, très loin, là. Ouais. Un peu comme deux petites bottes, là, sur le bord de la face. Ouais, ouais, ça, c'est... soit le favori ou la coupe de lesbienne. Ouais. Oui, il y a ça aussi, le favori comme en bataille, aussi. Mais dans Community, qui est le film américain, il y a un personnage très très secondaire qui s'appelle Starburns. OK. Puis il y a des favoris en étoile. Ah, wesh. Très très secondaire. Ouais, ouais. En moyenne, dans une barbe, je parle de la barbe, voir 500 poils par centimètre carré sur le visage des hommes. Les femmes, ça va être 120, puis ça va être des poils non apparents souvent. 500 poils? Par centimètre carré. Fred, je peux en compter. Ben non, mais là, ça, ça dépend. Il y a des gens qui finissent par jamais avoir de barbe. Mais dans la moustache à JP, il y en a 1 million. Ouais, c'est une moustache très noir. Oui. Il y a des femmes à barbe qui souffrent d'hirsutisme. Hirsutisme? Mais l'hirsutisme, ça ne sera pas juste au niveau du visage, ça peut être partout sur le corps. Les femmes, donc, vont avoir. Comme des hommes, des poils. Les frères loups-garous, là, qui ont des cheveux d'en face. Oui, le lupisme. Oui. Ah! Ouais, c'est ça, tu vois. C'est atroce. Ouais. C'est un speigne, là, avec une petite brosse, tu sais. C'est vraiment les cheveux. C'est moins des poils. Oui, mais j'imagine que ta barbe, si tu laissais ça aller, ça aurait plus l'air. Non? Je sais pas. Ah, peut-être. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Tu regardes ici, là. Tu disais que si je me rase tout le temps les cheveux, je vais comme avoir de la barbe sur la tête. Genre, ben, quelque chose de dur. Ben non, mais les gens qui se rasent, à un moment donné, les premiers jours, là, c'est rugueux. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Bon, c'était pas tout à fait équivalent. Écoute. C'est vrai cette affaire-là que ça pousse plus vite quand plus tu le rends souvent? Bonne question. Je vais pas dire que non, sauf que il pousse pas plus vite, il pousse pas plus fort, mais il pousse plus apparent. OK. Il me semble. Je sais pas. Mais c'est comme c'est. Au niveau. Ça stimule un peu, je pense. Quelque chose. Il est peut-être plus fort. OK. Tu sais, ta moustache molle, là. Elle devient plus forte une fois que tu rases. C'est peut-être à cause de ça, ma moustache. J'ai commencé à me raser à 2 ans. De voilà. Qui est plus forte que tout. Il y aura pas de poils dans la maison. Il y a eu une. Je me suis rasé le bas du dos à 2 ans. Ah. Aujourd'hui. Oui, Antoine? Oui, je prenais un message. Il y avait une taxe sur la barbe, à un moment donné, dans certains pays. Ah, pourquoi? J'ai payé une taxe, parce qu'ils taxaient toutes. Il m'a dit, ah, une barbe, il faut payer. Alors, tu payais une certaine somme par année, tu avais un petit jeton avec une barbe dessus. Incroyable. Quand on t'arrêtait, toi, t'as-tu payé ta taxe, montrer ton jeton. Tu vois, oui, c'est beau. J'ai le droit d'avoir une barbe. Puis des gens s'enlevaient la barbe parce qu'ils faisaient... Mais comme les femmes qui devaient avoir un papier s'ils voulaient s'habiller en homme, c'est ça? Genre un papier de la mairie ou je sais pas trop quoi, là. Ouais, s'ils voulaient s'habiller en homme, il fallait qu'ils le demandent, tu sais. Comme dans le film Yentel, où elle traînait toujours ses papiers. Oui, c'est ça. Ça permet de se cacher. Oui, je t'exemple à l'école. Je vais donner mon papier. Imagine que je vois le film et ça. Salut. Le père Coulomb? Avait une barbe de 3,35 mètres. Mou du coulon. Père coulon avait une barbe. Père coulon avait une barbe de 3,35 mètres. Tout le monde la connaît. Mais avait-il des favoris? Ça, l'histoire, elle ne le dit. God damn son of a bitch. Oh, ta graine dans ma sandwich. Évidemment, pour éviter d'avoir à se tailler les favoris, à porter la barbe toujours, peut-être devenir musulman, comme Mahomet l'avait dit, Afoul Laha. Laissez pousser vos barbes. Il y a quatre interprétations principales chez les musulmans. Il y en a qui disent ça peut être la longueur du poing, d'autres qui disent qu'il ne faut jamais la couper, d'autres qui disent enfin bon. Mais il y a l'idée de porter la barbe quand même. Mais ma suggestion serait, une fois qu'il y a vraiment les favoris à son goût, égal, pour aller te faire juste deux petites lignes de tatouage. Oh! Ah, la belle du idée. Maquillage permanent. Ben oui, c'est bon. Juste tatouer, une petite ligne. Ça peut être juste un petit repère, puis à ce moment-là, ben... Ouais, mais tu sais, ils font ça en construction aussi, là, la corde de craie. Ben oui! Puis fait... Mais tu fais ça dans la face, là. Très bonne idée. Ouais. Ding. Ouais, mais tu sais, maintenant, il y a beaucoup de lasers rotatifs. Ouais. De tracer des lignes comme ça, si tu es dans une pièce, par exemple, tu peux mettre un laser qui va tracer une ligne tout le tour grâce à des GPS ou différents ou des dangers que ça y coupe la calotte de la taille. Ça, ça sera un laser trop puissant. Okay. Auprès des matériaux qu'il veut mesurer, ouais, ça serait pas utile, ça. Pas bon, ça. Mais là, tu te mets dans la ligne du laser, puis tu peux arriver à avoir quelque chose, je pense. Mais pourrait pas, avec un ruban de couture, se faire une marque au centre du menton, puis d'avoir égal à chaque côté. Ah, c'est ça. Moi, je voulais aborder ça de ce côté-là, c'est qu'on est, on est un peu tout asymétrique dans le visage. Ouais. Ah, il paraît que l'asymétrie attire beaucoup, là, mais on est un peu asymétrique. Et peut-être, justement, patcher son asymétrie avec les favoris. Favoris, hein, faire, ben, si j'ai un plus petit œil de ce bord-là, je mets un plus gros favori, ça perd. Non, je structure c'est mon ça. Visage. Ouais. Ouais, parce qu'ils faisaient ça, ils montraient des visages, puis les gens disaient lesquels leur semblaient plus sympathiques, pour faire comme ça. Il y avait des photos, ce qu'ils faisaient, ils prenaient la moitié du visage, puis la reproduisaient en miroir de l'autre côté. Ah oui. Ils collaient les deux moitiés. Donc c'était identique. Puis d'autres, c'était ton vrai visage, qui a nécessairement des asymétries, un œil plus gros que l'autre, des affaires. Puis systématiquement, les gens choisissaient les gens qui étaient. Ouais, ça doit être. Ah, c'est un peu oui aussi, mais. Qui étaient asymétriques, comme étant sympathiques. Ouais, les gens symétriques avaient quelque chose. Mais allez taper sur Google. Google. Cool. Visage symétrique. Symétrie, puis il y a quelqu'un qui a fait une expérience. Il y a plein de gens. Tu vois deux photos, c'est-à-dire. Une photo, tu as deux fois le côté droit, l'autre photo, deux fois le côté gauche. Puis c'est vraiment. Des fois, tu as une fille qui a l'air d'un gars à droite, d'une fille à gauche. Tu sais, c'est vraiment. C'est particulier, ça, oui. Peut-être, justement, regarder juste un côté à la fois et voir quel favori il préfère. Ouais. Est-ce qu'il se préfère avec le favori gauche deux fois ou le favori droit deux fois? Tu sais, là-dedans, puis moi, je connais pas ça, là, mais tu sais, il y a la théorie du nombre d'or aussi là, qu'on peut rentrer. Ouais. Tu sais, c'est comme un genre de ratio que l'œil humain trouverait magnifique, là, qu'il y a une espèce de ratio très présent dans la nature et dans la beauté humaine. Ben, c'est-à-dire aussi, que là. Dans les yeux sont au milieu du visage, puis il y a trop... Ouais, ben il y a un chiffre là, qui est comme ce ratio qui ressemble à pi, là, il me semble. Ah oui, non, mais il y a 8 têtes dans une personne. Non, okay, moi, c'est des notions de dessin. Ouais. Très possible, oui. Enfin, le nombre d'or. Que le bas de l'oreille va avec la bouche, puis le haut avec c'est ça. Là, le racine carrée de 5 plus 1 sur 2. Plus simple, Étienne pourrait se faire son favori avec une tuque. Un bol, casse de bain en caoutchouc. Ouais. Mais localisé favori. Ouais, c'est ça. Il y a bien sûrement une affaire iPhone aussi qui peut t'aider. Je sais pas. Sûrement. La photo de ton favori, puis il y a peut-être. Ça le mesure à ta place. Il faut chercher. Tu sais, il y a des toupettes là, qui se snappent. Il pourrait avoir à un moment donné. Le favori qui se snap. Ah oui, il y a différentes grandeurs en plus. clic, puis hop, toujours. Faut que tu te fasses faire les implants de snap. Là. Moi, j'ai une image en tête aussi de des favoris très longs et toutes gominées en rond comme ça. Tu sais, comme. C'est un peu comme des moustaches de méchants, là, dans des... C'est là, tu sais, j'ai déjà vu ça, là. Genre des bonhommes de secte, là. Mais il y a le moustache championship, là, à chaque année. Il y en a un qui avait une moustache en cage d'oiseau, là, sur sa tête. C'est magnifique. Impeccable. Mais oui, c'est possible, les favoris, et en faire une œuvre d'art. Mais oui, tant qu'à faire. On y va. Tant qu'à faire. Œuvre d'art. Tant qu'à faire. Mais tu sais... qu'ils soient identiques, comme vous disiez tantôt, je pense que ça n'a pas d'importance. Faut surtout les calculer à partir du nez, j'ai l'impression, pour avoir les deux parties du visage. Mais peut-être, justement, j'irais de la narine au bas de l'oreille. Ouais. Si tu traces une ligne de là à là, de l'autre côté, ça se peut que ça ne soit pas à la même place, mais au moins, ta règle, c'est ma ligne, je la trace du bas de la narine au bas de mon oreille. C'est ton, avec ouais. un crayon permanent, disons. Crayon permanent. Permanent, oui. Mais non, mais tu sais, une journée, t'as une ligne. Une journée. Oh, ouais, mais non, mais tu sais, tu as un masque, là. Tu découpes. Ah oui, chose, un masque, là. Un masque genre d'un loup de balle. Non, mais tu sais, moulé, puis là, tu te dis, mais je veux que ça soit là, puis c'est égal, tu te le mets, puis. Du couple, là. Oui. Mais non, il dormait pas des brouillards, lui. Ouais, il est... ouais, pourquoi il nous a écrit? Vraiment, là. On dirait qu'il veut juste nous faire parler parce qu'il sait qu'on a un podcast. On est peut-être son podcast favori. Oh! Je suis pas sûr, moi, qu'il a voté 5 ou rien. Ah, peut-être. Existe-t-il des appareils électriques, selon vous? Qu'est-ce que vous prenez, vous, pour faire vos favoris? Moi, je sais que c'est arrivé, tu sais, de me faire couper les cheveux pour faire comme... c'est un peu... c'est pas mon goût. Puis là, d'avoir un petit clipper, là. Ouais. Ouais, tu sais, dos de rasoir électrique, là, moi j'ai ça, là, c'est ouais, ça, ouais. Oui, oui. Mes favoris, ouais. Mais ce qui est le plus liette, là, c'est comme c'est des favoris de même, là, c'est comme... C'est genre, trop. Full trop haut de l'oreille, là, ouais. Des non-favoris, ouais, quasiment, là. Ça, c'est la coupe Mohawk? La coupe Mohawk, ben un peu comme... En fait, tes portes élevées, quand même, je te regarde, le frigo, il est parti. Ben, élevé, pas si fait, là, dans ouais. l'oreille, dans le milieu de l'oreille. Ouais, ce qui est là, c'est comme les affaires de même. Là. Pas de favoris. Pas de favoris, là. Je mime, chers auditeurs, avec mes mains. Ouais. Des pas de favoris. Et puis nous étions guerriers. Nous là, étions guerriers, là, ouais, c'est ça. Là. Ben, c'est une solution pareille. Pas de favoris. Pas de favoris. Ouais, certainement, ouais. Pas de favoris. Hein. Où est-ce que tu arrêtes ton pas de favoris? Faut que tu fasses ton pas de favori égal aussi. Ben ouais. Ouais, ou assumer pas égal. Tu sais, des fois, c'est juste pas égal, c'est gossant. Tu sais, non, là, je vais le faire vraiment pas égal. En général. On va faire, ah, ben c'est. Ouais. C'est voulu. Assumer. Favoris, merci, mon frère. Favori trop haut, tu sais, hein, c'est ça. C'est le frère Toc, ses cheveux. Il voulait se faire des favoris réguliers. Ah, ouais? Ah. Il arrêtait pas de monter, puis il disait, oh, mon Dieu. Ah, non, mais c'est la moitié. Il a fait la même affaire. Il est obligé de faire le tour. Oui, bon, mais il est obligé de faire le tour. Mon monté. C'est drôle. Oh, je t'en ai, je monte aussi. Hein. Peut-être c'est pratiqué dans le cou? Oui. C'est pratiqué sur d'autres, là. Mm-hmm. Tu vois la coiffure, let's go, tu prends tes mesures, tu trouves des trucs. Vraiment. Let's go, arrête d'être paresseux. Demande à ta blonde, Étienne, dis-y, je peux-tu essayer, elle va accepter, c'est sûr, deux bonnes mèches. Mais si tu le fais au clipper, là, puis tu l'installes à la hauteur... Là, tu l'installes, le clipper, tu le prends pas avec tes mains, tu l'installes sur le bord d'un mur, je sais pas trop quoi, là, sur un poteau. Puis là, tu te rases avec... Ah oui! Tu tournes. Ouais. Mais ouais, tu peux bouger aussi de Wapa. Ouais, tu peux avoir un petit peu de jeu dans l'affaire. Ouais, ok, bon. C'est l'important, c'est pas tant la largeur que la hauteur, j'ai l'impression. Ouais. Largeur, on s'en fout. Largeur, on joue pas avec on ça. On joue pas avec ça. Personne joue avec ça. Le bon Dieu t'a donné. Ça vous arrive pas, vous, de... Non? Moi, je suis pas capable. L'épaisseur! L'épaisseur est un peu. Bon, moi, ça arrive des fois que ça va trop loin. Arrête, toi! Ah, tu vois, ça m'étonne. Ben, j'en ai du cheveu. Attends. Je réponds aussi. Tu es en train de me dire que ton unisourcil se rend jusqu'à tes oreilles? Fourette, frère. Ah ouais, ça pourrait-tu se rendre jusque-là? Moi, je me rase mes dents. C'est la base de ses cheveux. Les fanons. Vraiment. Oui. Puis ça descend jusqu'à mes mamelons, jusqu'à la police. Ah, c'est qui qui avait ça pour j'ai le parcours de poids. Pour le Movember, là, je pense que j'avais vu un gars avec une moustache qui descendait jusqu'à le nombril. C'est dégueulasse. Quelle horreur. Comme un bikini. Là. Non, ouais, mais c'est comme raser le chest pour faire un guidon qui descend. Ah, c'est niaiseux. Ça, c'est niaiseux. C'est juste drôle. C'est drôle. Mmh. Pauvre, la poche. Mais c'est égal. Il faudrait demander à lui. Trouver ce gars-là. Ouais. Ben, il y a des gens qui ont l'œil naturellement aussi. C'est s'entourer de ces gens-là. Mais puis ça, c'est classique. Hein? Y aller, quand tu places un poster sur un mur ou un cadre, ouais, là, c'est un bon test, si tu y vas avec un niveau, il va peut-être être croche parce que ta maison n'est jamais droite. Ben, ouais. C'est ça. Il faut que tu y ailles à l'œil. C'est le même principe, ça va faire. Puis il y a juste toi qui remarques ça. Les femmes sont vraiment. Moi? Juste toi. Non, parce que de faire, écoute, faut être attentif. Il faut être attentif, puis jamais tu regardes ça. Moi, je suis vraiment raté son coup. Je ne vais pas faire. Ah, faut que tu sois de face, on est 90% du temps. C'est vraiment anal comme problème. Non, franchement, ça cache autre chose pour moi. Se quadriller la face, là, Tu sais, tu parlais de tatouage, oui, on va parler de la ligne de mais c'est quadrillé la face avant de... Laser. Ouais, c'est ça, avec des petits des aiguilles. Des petites aiguilles. Ah, j'ai peut-être une autre bonne idée, par exemple. Ouais. Mettons, tu détermines un point... T'es loin un peu. Comme de ton oreille, tu sais, mettons, le haut du lobe ici, mm-hmm. là, et tu découpes deux bandes de papier de même taille que tu colles avec du papier collant et tu rases en dessous, mettons. Ouais, mais ouais, c'est ça, tu détermines en haut de l'oreille, sauf que le problème vient là. Si tu dis... Ton oreille est un petit peu plus bas. Ouais, là, tu fais comme... ça peut-être pas égal. Ouais, un mais... cache-oreille? Un cache-oreille, peut-être. Un cache-oreille, tu te fais sans dessous. Tu te fais sans dessous. On n'a pas tes sourcils. Ouais. Puis au pire, si ça fuck, ben tu te maquilles un peu des favoris. Ouais, mais c'est ça. S'il y en a un qui va être plus court, je pense, c'est ça. La canette, là, qui va arriver. Ouais, la canette. Un spray, ouais. Ah oui, mais tu te mets ton fameux petit spray, tes favoris, bonsoir. Mais le petit loup, on en a parlé tantôt, mais le petit masque de Robin, là, un peu, que tu attaches en arrière de la tête... Ben, il passe, là, tu sais. Ah, t'sais, les petites cordes, ben oui. Ouais. Attirer l'attention cordes, ailleurs. Si tu portes deux belles boucles d'oreilles, selon moi, les gens vont pas faire... Mais non, mais t'attires l'attention sur un proche de tes oreilles. Voilà, tu pourrais que tu portes des boucles d'oreilles sur tes mamelons, pas de t-shirt. Pas de t-shirt. Bon, ben alors, une petite boucle d'oreille discrète. Et s'il fait, voyons, ses favoris, me semble, ben, il y a une boucle d'oreille. Hey. Ouais. J'avoue. Ah ouais. Ou un petit tatou sur le bord de l'oreille, ou sur le lobe, écrit « Salut ». C'est pas égal. C'est pas une égal. Lumière là, de mineur. Là. Oui! Tout le monde regarde toujours la lumière dans le front. Une lampe frontale. Une lampe frontale. Ou le monde qui se font mettre des cornes là, de diable. Ouais, ouais. Là, ça, c'est... Ouais. Ou transformer ça en jeu. Là. Trouver les 7 erreurs de mes deux moitiés. Tout le monde est super méchant. Ils disent tout sauf ça. Ta bédaine. T'as un œil plus gros que l'autre. T'es grave! T'es dégueulasse. Tes dents sont pas égales. Ta couille plus grosse que l'autre. Une troisième tétine. Oui. Non, mais pour faire en plus ce jeu des 7 erreurs, s'il veut vraiment être comme, mettons, la machine qu'il y a dans les bars, il faudrait qu'il prenne des poses très sexy et romantiques années 80. Là. Sur un bateau. Sur un bateau. Sur un bateau. Ah ouais. Si tu choisis Nana. Mais si Nana. Jamais tu décides de le faire puis tu te scrapes les favoris, c'est peut-être le temps... d'aller prendre ta photo de permis de conduire. Oh. Tu sais, pour immortaliser l'affaire. Ouais. La fois où j'ai les favoris croches. C'est drôle, ça. Toujours. Non? Tu vas te forcer plus la prochaine fois. Ouais. Ce souvenir-là qui te hante. Là, de... Et c'est erreur, hein. On le fait tous. Puis... ce problème-là nous accroche complètement. Ouais. Dessiner dans le miroir sa face. Ouais, puis là, tu te mets dedans. Faut que tu te places dedans, puis là, tu rases. Ah ouais, c'est bon. Peut... Ouais, une projection, tu sais. Ouais. Tu te projettes ça dans le visage, là. Ah ouais. Tu fites ton visage avec ton visage, ouais. T'es vis-à-vis un miroir, tu te projettes, puis tu recrées tes favoris. Regarde-moi, Antoine. Quand même. Ben, je les ai fait faire par un professionnel dernièrement, quand même. C'est une barbe, toi. Ben, ça, c'est ça. Là, il y a la barbe aussi qui. Monsieur Lemers m'a fait ça la semaine passée. Aussi. C'est pas mal, ça. C'est pas une maladie. Ils sont minces, puis il y a comme un bout tout ce qui n'y a pas. C'est pas une maladie. Sinon, là-dessus. Des bons vieux trucs de se tenir avec du monde qui ont des favoris plus croches que toi. Puis, tu sais, des vieux trucs plus laids. Dans le noir, des chapeaux, des perruques. Raser, tout. Raser, si, tout. Si, c'est avec des gens qui reconstituent la guerre de sécession, mettons, là, ils vont clamer. Ouais. Les favoris vont passer dans tout le noir. Tout raser, sauf les favoris. Ouais, faire l'inverse. Tout raser, mais avoir une barbe. Où est-ce que t'arrêtes ta barbe? Ah, t'as pas de problème? Ah, c'est intéressant, ça. Mais c'est pas grave, parce que tu peux plus vraiment sortir de chez toi. Non, c'est ça. Non, mais tu te laisses des cheveux juste autour des oreilles, comme si t'as accroché. Le tour d'oreille. Comme si t'as accroché ta barbe. Ah. Non, c'est accroché. Ah, c'est dégueulasse. Ouais, ouais, ouais. Non, mais y aller en dégradant, jusqu'à la joue. Ah, ouais. Là, ça se confond. Il n'y a pas de limite. Je sais bien, c'est difficile. Mais tu y vas avec une petite paire de ciseaux, poil par poil. Ouais. Et une amie coiffeuse, je m'attends. Il y a l'amie coiffeuse. L'amie coiffeuse, ouais, c'est sûr. Job, la blonde, la maîtresse, là, peu importe dans quelle situation tu es rendue. On vient de le mettre dans la main. Ouais. Arrête, là, t'as pas besoin de l'avoir tout le temps, là, une fois par mois. T'as rajouté tes favoris? C'est la maîtresse des cheveux. Ta fourre, puis dis-moi, hey, peux tu t'attendre souvent. Je peux pas croire. C'est sûr que quand tu te rases les sourcils, les gens regardent pas tes favoris. Ça, c'est sûr. Ouais. Ah, ça, c'est un bon plan. Ou bleacher les sourcils. Bleacher les sourcils. On l'a dit dans des podcasts avant, mais un tatou de pénis d'en face. Personne va regarder tout ça. Ou juste au Sharpie, tu sais. Un pen en Sharpie, les deux dans son menton. Embellir ses yeux, tu sais. Je sais pas c'est quoi, comment on fait. Un beau bleu, un beau fard. Mascara. Peut-être écouter notre podcast, comment mettre de l'ombre à paupières. Avec le fusil diabolique de Homer, bon. Faire un beau smokey eye. Je pense qu'il y a pas mal de choix là-dedans. Oui, oui, oui, c'est assez. Avez-vous des solutions préférées, monsieur? Moi, ma solution préférée, la petite ligne au tatou. Oui. C'est vraiment excellent. Mais sinon, moi, c'est vivre et laisser vivre, là. C'est comme... On a assez de stress dans la vie qu'il faut pas être que tu t'obsèdes avec les favoris. Ouais. Fourrer une coiffeuse. Ouais. Moi, je dis que les visages sont tellement parfaits que fais-toi une marque précise sur l'oreille. Comme ça, ça sera pas égal des deux côtés, mais ça va être relatif à ton visage. C'est vrai. Mm-hmm, mm-hmm. Amen to that. Si vous avez des suggestions à nous faire de solutions, ne vous gênez pas sur notre page Facebook. Oui, exact. Un problème plus gênant, vous pouvez nous écrire directement. Des pseudonymes. Oui, oui, oui, absolument. Vous pouvez écrire je veux garder l'anonymat. Tu trouves un nom qui va rester. Ouais. Oui. Qui va vous rester. On a toujours le concours. Oui. Le concours, oui. Comment changer le monde avec le moins d'efforts possible. Merci beaucoup à la ville de Rimouski. Oui, oui, merci. Je t'ai coupé. Non, mais c'est un bon séjour. On voulait dire, aussi de nous mettre 5 ou rien sur iTunes. Oui, 5 ou rien. On est à 23. 23, je pense, commentaires. Ou il y en a, non, il y a plus que ça. Il y en a plus que ça. Mais c'est tous des 5. C'est tous des 5 ou rien. Les autres, on a reçu des beaux dernièrement. Allez lire ça, c'est le fun. C'est très bien. Ce qui nous fait monter, là, tu sais, pour qu'on devienne un jour des grosses vedettes. Ben, il faudrait être sur la première page. Ça, on veut ça. C'est un objectif réalisable. Qu'est-ce que ça prend pour Mais je pense que ça prend beaucoup de reviews. Ben, je vais des centaines. Mais je suis allé l'écrire cette semaine. Ah, c'est tout. Non, j'ai écrit bravo. Puis en plus, c'est bien le fun à faire, quelque chose du genre. Ah, c'est pas pire. Ouais, c'est ça. Ouais, moi aussi. Ah, j'ai encore aimé ça cette semaine. À le faire, cinq. Oui, j'ai trippé. Ben, continuez à nous fournir vos problèmes. Oui. On veut. Pas que c'est pas des vrais problèmes, là, ceux qu'on aborde. Mais, tu sais, s'il y en a un, là, qui vraiment. Là, oui. Un peu costaud. Ouais. On est ouvert. On a la tête à ça. Le mot de la fin, Antoine. Vous avez un problème, nous avons un podcast. Ooh, ooh, ooh, ooh.